بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Lorsque viendra le secours de Dieu, de même que la victoire, et que tu verras les gens embrasser en masse la religion de Dieu, alors par la louange, célèbre la gloire de ton Seigneur et implore son pardon, car c'est lui le garant accueillant du repentir.